Chapitre 12. Réponse à quelques raisonnements des partisans de l'esclavage. Si ces réflexions obtiennent l'approbation des esprits droits, des âmes saines, l'auteur sera plus que récompensé. Mais il ne peut croire sa tâche terminée sans avoir répondu à quelques raisonnements, d'autant plus faits pour séduire ceux qui ne réfléchissent pas, qu'ils portent avec eux l'air de la bonhomie et de cette bonne opinion de l'espèce humaine qui est devenue si à la mode, parce qu'on a trouvé très commode de dire que le mal n'est pas dans la nature, pour être dispensé de l'empêcher ou de le réparer. Après tout, dit-on, les nègres ne sont pas si maltraités que l'ont prétendu nos déclamateurs philosophes. La perte de la liberté n'est rien pour eux. Au fond, ils sont même plus heureux que les paysans libres de l'Europe. Enfin, leurs maîtres étant intéressés à les conserver, ils doivent les ménager, du moins comme nous ménageons les bêtes de somme. De ces quatre assertions, aucune n'est vraie. Les nègres sont beaucoup plus maltraités qu'on ne le croit en Europe. J'en juge non par les livres qu'impriment leurs maîtres, mais par les aveux qui leur échappent. J'en juge par le témoignage d'hommes respectables que ce spectacle a rempli d'horreur. Je ne prends pas l'indignation qu'ils montrent pour de la déclamation, parce que je ne crois pas qu'un homme doive parler froidement d'excès qui révoltent la nature. Suivant le principe qu'adoptent les partisans de l'esclavage, tout homme qui a de l'humanité, qui possède une âme forte ou sensible, devient indigne de toute croyance, et l'on ne doit accorder sa confiance qu'à des hommes assez froids et assez vils, pour qu'on soit bien sûr que quelque horreur qu'on exerce en leur présence, jamais leur âme n'en sera troublée. Je crois enfin ceux qui ont décrit les horreurs de l'esclavage des nègres parce qu'ils sont exempts d'intérêt, parce qu'on n'en peut avoir aucun, d'ignoble du moins, à combattre pour les malheureux noirs. Je rejette au contraire le témoignage de ceux qui défendent la cause de l'esclavage, qui proposent de l'adoucir par des lois, lorsque je vois qu'ils ont ou qu'ils espèrent des emplois par le crédit des colons, qu'ils ont eux-mêmes des esclaves, qu'enfin ils ont été dans les îles, ou les protecteurs, ou les complices de la tyrannie, et je doute qu'on puisse citer en faveur de l'esclavage le témoignage d'aucun homme tiré d'une autre classe. Malheur à une cause qui a contre elle tous ceux qui n'ont point un intérêt personnel de la soutenir. La perte de la liberté est beaucoup pour les nègres. Il n'y a point d'homme pour qui elle ne soit un grand malheur. Sans doute, un nègre ne se tuera point comme Caton pour n'être pas obligé d'obéir à César, mais le nègre se tuera parce que son maître le sépare, malgré lui, de la femme qu'il aime, parce qu'il la force de se livrer à lui-même, parce qu'à l'exemple du vieux Caton, il la prostitue pour de l'argent. Les nègres regrettent leurs fêtes, leurs danses, leurs paresses, la liberté de se livrer aux goûts, aux habitudes de leur patrie. Pour qu'un pays jouisse d'une véritable liberté, il faut que chaque homme n'y soit soumis qu'aux lois émanées de la volonté générale des citoyens, qu'aucune personne dans l'État n'ait le pouvoir ni de se soustraire à la loi, ni de la violer impunément, qu'enfin chaque citoyen jouisse de ses droits et qu'aucune force ne puisse les lui enlever sans armer contre elle la force publique. L'amour de cette espèce de liberté n'existe pas dans le cœur de tous les hommes, et à voir la manière dont se conduisent dans certains pays ceux qui en jouissent, il n'est pas bien sûr qu'eux-mêmes en sentent tout le prix. Mais il y a une autre liberté, celle de disposer librement de sa personne, de ne pas dépendre pour la nourriture, pour ses sentiments, pour ses goûts, des caprices d'un homme. Il n'est personne qui ne sente la perte de cette liberté, qui n'ait horreur de ce genre de servitude. On dit qu'on a vu des hommes préférer l'esclavage à la liberté. Je le crois. C'est ainsi qu'on a vu des Français, à qui on ouvrait la porte de la Bastille, aimait mieux y rester que de languir dans la misère et dans l'abandon. Un paysan esclave jouit, à des conditions très dures, d'une maison, d'un champ, et cette maison, ce champ, sont à son maître. On lui offre la liberté, c'est-à-dire qu'on lui offre de le mettre hors de chez lui, de lui ôter le seul moyen de subsister qui soit en son pouvoir, il est tout simple qu'il préfère l'esclavage. Mais n'est-il pas à la fois ridicule et atroce de soutenir qu'un homme est bien parce qu'il aime mieux son état que de mourir de faim? On a osé dire que les nègres sont mieux, non pas que nos paysans ou ceux d'Angleterre et de Hollande, mais que les paysans de France ou d'Espagne. D'abord, quand cela serait, comme l'excessive misère de ces paysans serait l'ouvrage des impôts, des gênes, des prohibitions qu'on appelle tantôt police, tantôt encouragement des manufactures, en un mot des mauvaises lois, ce raisonnement se réduit à dire « Il y a des pays où l'on est parvenu à rendre des hommes libres plus malheureux que des esclaves, donc il faut bien se garder de détruire l'esclavage. » D'ailleurs, cette allégation est fausse. Elle a pu être avancée de bonne foi par des hommes que les misères publiques, dont ils étaient témoins, avaient révoltés. Elle peut être le cri d'indignation d'une âme honnête, mais jamais on n'a pu la regarder comme une assertion réfléchie. Dans les pays dont on parle, il y a sans cesse, à la vérité, une petite partie du peuple qui se détruit par la misère, mais il est fort douteux qu'un mendiant soit plus malheureux qu'un nègre. Et si on excepte les temps de calamité ou les malheurs particuliers, la vie du journalier la plus pauvre est moins dure, moins malheureuse que celle des noirs esclaves. Les corvées seules pouvaient mettre quelquefois une partie du peuple de France au-dessous des nègres. Mais enfin, quand les paysans français seraient pendant 30 jours par année aussi malheureux que des nègres, s'ensuit-il que l'esclavage des nègres ne soit pas insupportable ? Et si l'on a osé imprimer dans quelques brochures que le peuple, en France, est corvéable et taillable de sa nature, en faut-il conclure que l'esclavage des nègres est légitime en Amérique ? Une injustice cesse-t-elle de l'être parce qu'il est prouvé qu'elle n'est pas la seule qui se commette sur la terre ? On a dit encore, le colon intéressé à conserver ses nègres les traitera bien, comme les Européens traitent bien leurs chevaux. À la vérité, on mutile les chevaux mâles, on assujettit quelquefois les juments à des précautions, qu'on prétend que quelques colons ont adoptées pour leur négresse. On condamne ces animaux à passer leur vie ou dans le travail, ou tristement attachés à un râtelier, on leur enfonce des pointes de fer dans les flancs pour les exciter à aller plus vite, on leur déchire la bouche avec un barreau de fer pour les contenir, parce qu'on a découvert que cette partie était très sensible. On les oblige, à coups de fouet, à faire les efforts qu'on exige d'eux. Mais il est sûr qu'à tout cela près, les chevaux sont assez ménagés, à moins encore que la vanité ou l'intérêt de leur maître ne le porte à les excéder de fatigue, et que par humeur ou par caprice, les palefreniers ne s'amusent à les fouetter. Nous ne parlons pas de leur vieillesse, qui ressemblerait beaucoup à celle des nègres, si, par bonheur pour les chevaux, leur peau n'était bonne à quelque chose. Tel est l'exemple qu'on propose sérieusement pour montrer qu'un esclave sera bien traité, d'après ce principe que l'intérêt de son maître est de le conserver. Comme si l'intérêt du maître pour l'esclave, ainsi que pour le cheval, n'était pas d'en tirer le plus grand parti possible et qu'il n'y eût pas de balance à établir entre l'intérêt de conserver plus longtemps l'esclave ou le cheval et l'intérêt d'en tirer, pendant qu'ils dureront, un plus grand profit. D'ailleurs, un homme n'est pas un cheval, et un homme, mis au régime de captivité du cheval le plus humainement traité, serait encore très malheureux. Les animaux ne sentent que les coups ou la gêne. Les hommes sentent l'injustice et l'outrage. Les animaux n'ont que des besoins, mais l'homme est misérable par des privations. Le cheval ne souffre que de la douleur qu'il ressent. L'homme est révolté par l'injustice de celui qui le frappe. Les animaux ne sont malheureux que pour le moment présent. Le malheur de l'homme, dans un instant, embrasse toute sa vie. Enfin, un maître a plus d'humeur contre ses esclaves que contre ses chevaux, et il a plus de choses à démêler avec eux. Il s'irrite de la fermeté de leur maintien, qu'il appelle insolence, des raisons qu'ils opposent à ses caprices, du courage même avec lequel ils essuient les coups et les tortures. Ils peuvent être les rivaux, et naturellement, ils doivent lui être préférés. On m'objectera enfin l'humanité des colons. On me dira, des hommes distingués par leur mérite, honorés de l'estime publique, revêtus des premières places dans 4 des principales nations de l'Europe, ont des possessions cultivées par des esclaves, et vous les traitez comme des criminels, qui chaque jour qu'ils diffèrent de travailler à briser les fers de leurs nègres, se souillent d'un nouveau crime. Je réponds qu'Aristide, Épaminondas, Caton le Jeune et Marc Aurèle avaient des esclaves. Quiconque a réfléchi sur l'histoire de la morale n'a pu s'empêcher de remarquer que l'honnêteté ne consiste, dans chaque nation, qu'à ne pas faire, même en étant sûr du secret, ce qui serait déshonorant s'il était connu du public. Qu'une action criminelle par elle-même ne soit pas déshonorante dans l'opinion, on la commet sans remords. Cette morale, dont on porte la sanction dans le cœur, et dont la raison éclairée dicte les maximes, cette véritable morale de la nature n'a jamais été, chez aucun peuple, que le partage de quelques hommes. Les Européens, propriétaires des colonies, sont à plaindre d'être conduits par une fausse conscience, et d'autant plus à plaindre qu'elle aurait dû être ébranlée par les réclamations des défenseurs de l'humanité, et que surtout, ce n'est pas contre leurs intérêts, mais pour leur avantage, que cette fausse conscience les fait agir. Quant à l'humanité qu'on suppose au maître des Noirs, j'avoue que j'ai connu des Anglais et des Français très humains, mais ils vivaient en Europe, et leur humanité était d'une faible ressource à de malheureux esclaves livrés en Amérique à des régisseurs. Les maîtres ressemblent à ces souverains dont le cœur est bon, mais au nom de qui on brûle, on brise des hommes vivants d'un bout de leurs états à l'autre, parce que ces souverains se conduisent non d'après leur propre cœur, mais d'après les préjugés ou la politique de leurs ministres. L'humanité de la plupart des hommes se borne à plaindre les maux qu'ils voient ou dont on leur parle, et quelquefois elle est soulagée. Mais cette humanité, qui cherche sur la terre entière où il existe des malheureux pour les défendre et pour s'élever contre leurs tyrans, cette humanité n'est pas dans le cœur de tous les hommes, et c'est la seule, cependant, qui pourrait être utile aux esclaves de l'Amérique s'ils la trouvaient dans un de leurs maîtres. Alors, regardant le bonheur de ces esclaves comme un devoir dont il est chargé, et la perte de leur liberté et de leurs droits comme un tort qu'il doit réparer, il volerait dans son habitation y abdiquer la tyrannie d'un maître pour ne garder que l'autorité d'un souverain juste et humain. Il mettrait sa gloire à changer en hommes les esclaves. Il formerait des ouvriers industrieux, des fermiers intelligents. L'espoir d'un gain légitime, le désir de rendre l'existence de la famille plus heureuse, seraient les seuls aiguillons du travail. Les châtiments, employés par l'avidité et infligés par le caprice, ne seraient plus que la punition des crimes, punition décernée par des juges choisis parmi les Noirs. Les fils des esclaves disparaîtraient avec ceux du maître. Bientôt ils se trouveraient au milieu d'amis, attachés à lui jusqu'à la passion, fidèles jusqu'à l'héroïsme. Il montrerait, par son exemple, que les terres les plus fertiles ne sont pas celles dont les cultivateurs sont les plus misérables, et que le vrai bonheur de l'homme est celui qui ne s'achète point aux dépens du bonheur de ses frères. Au bruit des fouets, au hurlement des nègres, succéderaient les sons doux et tendres de la flûte des bords du Niger. Au lieu de cette crainte servile, de ce respect, plus humiliant pour celui qui le reçoit que révoltant pour ceux que la force contrainte à le rendre, au lieu de ce spectacle de servitude, de férocité, de prostitution et de misère que sa présence a fait disparaître, il verrait naître autour de lui la simplicité grossière mais ingénue de la vie patriarcale. Partout, des familles heureuses de travailler et de se reposer ensemble viendraient frapper ses regards attendris. Le sentiment de l'honnêteté, l'amour de la vertu, l'amitié, la tendresse maternelle ou filiale, tous les sentiments doux, tendres ou généreux qui viendraient charmer ou embellir l'âme de ces infortunés, ou plutôt leur âme entière, seraient son ouvrage. Et au lieu d'être riche du malheur de ces esclaves, il serait heureux de leur bonheur. J'ai rencontré quelquefois des maîtres américains, accoutumés à vivre dans les habitations, et il m'a suffi de leur avoir entendu parler une ou deux fois des nègres pour sentir combien ceux-ci doivent être malheureux. Le mépris avec lequel ils en parlent est une preuve de la dureté avec laquelle on les traite. D'ailleurs, les habitations sont gouvernées par des procureurs, espèces d'hommes qui vont chercher la fortune hors de l'Europe, ou parce que toutes les voies honnêtes d'y trouver de l'emploi leur sont fermées, ou parce que leur avidité insatiable n'a pu se contenter d'une fortune bornée. C'est donc à la lie de nations déjà très corrompues que les nègres sont abandonnés. Enfin, souvent, les nègres sont mis à la torture en présence des femmes et des filles des colons, qui assistent paisiblement à ce spectacle pour se former dans l'art de faire valoir les habitations. D'autres nègres ont été les victimes de la férocité de leurs maîtres. Plus d'une fois, on en a fait brûler dans des fours. Et ces crimes, qui mériteraient la mort, sont tous demeurés impunis, et il n'y a pas eu, depuis plus d'un siècle, un seul exemple d'un supplice infligé à un colon pour avoir assassiné son esclave. On pourrait dire que ces crimes cachés dans l'intérieur des habitations ne pouvaient être prouvés, mais les Blancs se permettent de tuer les nègres marrons comme on tue des bêtes fauves. Ce crime se commet au dehors, il est public, et il reste impuni. Et non seulement, jamais une seule fois la tête d'un de ces monstres n'est tombée sous le fer de la loi, mais ces actions infâmes ne les déshonorent point entre eux, ils osent les avouer, ils s'en vantent, et ils reviennent tranquillement en Europe parler d'humanité, d'honneur et de vertu. Il peut y avoir quelquefois des maîtres humains en Amérique, mais parce que Cicéron, dans l'ancienne Rome, traitait les esclaves avec humanité, ne devons-nous plus détester la barbarie des Romains envers leurs esclaves? Et quand nous savons qu'il existe des milliers d'infortunés livrés à des hommes vils et méchants qui peuvent impunément leur faire tout souffrir jusqu'à la torture ou à la mort, qu'avons-nous besoin de connaître les détails des habitations pour savoir tout ce que ces infortunés éprouvent d'outrage, pour avoir droit de nous élever contre leurs tyrans et pour être dispensés de plaindre les colons quand même l'affranchissement entraînerait leur ruine absolue? Il s'agit pour le nègre de la liberté, de la vie. Il ne s'agit pour l'Européen que de quelques tonnes d'or, et c'est le sang de l'innocent qu'on met en balance avec l'avarice du coupable. Doux apologistes de l'esclavage des Noirs, supposez-vous un instant aux galères et que vous y soyez injustement, supposez ensuite que votre bien m'ait été donné. Que penseriez-vous de moi si j'allais mettre en principe que vous devez rester toujours à la chaîne, quoique innocent, parce qu'on ne peut vous en faire sortir sans me ruiner? Voilà cependant le beau raisonnement avec lequel, dans vos mémoires clandestins, vous combattez les intentions bienfaisantes des rois et des ministres, vous surprenez, dans les pays où la presse n'est point libre, des défenses de combattre vos principes criminels, et certes en cela du moins, vous vous êtes rendu justice. C'est surtout pour ces pays où la vérité est captive que j'ai écrit cet ouvrage, et je l'ai écrit dans une langue étrangère pour moi, mais que les ouvrages des poètes et des philosophes français a rendu la langue de l'Europe. Cette protection accordée à l'avarice contre les nègres, qui est en Angleterre et en Hollande l'effet de la corruption générale de ces nations, n'a pour cause, en Espagne et en France, que les préjugés du public et la surprise faite au gouvernement que l'on trompe également, et sur la nécessité de l'esclavage et sur la prétendue importance politique des colonies à sucre. Un écrit fait par un étranger peut surtout être utile pour la France. Il ne sera pas si facile d'en détruire l'effet d'un seul mot en disant qu'il est l'ouvrage d'un philosophe. Ce nom, si respectable ailleurs, est devenu une injure dans cette nation. Et de combien de choses aussi n'y accuse-t-on pas les philosophes? Si quelques écrivains se sont élevés contre l'esclavage des nègres, ce sont des philosophes, a-t-on dit, et on a cru leur avoir répondu. A-t-on proposé d'abolir l'usage dégoûtant et meurtrier de pavés de mort l'intérieur des églises, d'entasser les cadavres au milieu des villes? Ces idées viennent des philosophes. Quelques personnes se sont-elles soustraites, par l'inoculation, au danger de la petite vérole? C'est par l'avis des philosophes. Ce sont les philosophes qui ont fait supprimer les fêtes, les célestins et les jésuites, et qui ont essayé de répandre l'opinion absurde que le monde pourrait subsister quand même il n'y aurait plus de moines. Si un historien parle avec indignation du massacre des Albigeois ou de la Saint-Barthélemy, des assassinats de l'Inquisition, des docteurs qui déclarèrent Henri IV déchu du trône et qui aiguisèrent contre lui tant de poignards, sur le champ, on dénonce cet historien comme un philosophe ennemi du trône et de l'autel. Si on a supprimé depuis peu l'usage de briser les os des accusés entre les planches pour les engager à dire la vérité, c'est que les philosophes ont déclamé contre la question Et c'est malgré les philosophes que la France a eu le bonheur de sauver un débris des anciennes lois et de conserver l'habitude précieuse d'appliquer à la torture les criminels condamnés. Ce sont les philosophes qui ont voulu abolir les corvées, et c'est encore leur faute si, malgré le rétablissement de cette méthode, elle s'est un peu à peu. À peine en substituant un impôt aux corvées, a-t-on pu sauver de leurs mains destructives le juste et antique usage de n'en faire tomber le poids que sur les roturiers? Qui est-ce qui ose se plaindre, en France, de la barbarie des lois criminelles, de la cruauté avec laquelle les protestants français sont privés des droits de l'homme et du citoyen, de la dureté et de l'injustice des lois sur la contrebande et sur la chasse? Ce sont les philosophes. Qui a pu avoir la coupable hardiesse de prétendre qu'il serait utile au peuple et conforme à la justice de rendre la liberté au commerce et à l'industrie? Quels sont ceux qui ont réclamé pour chaque propriétaire le droit illimité de disposer de ses forces? On voit bien que ce sont sûrement les philosophes. Et si quelques personnes ont poussé la scélératesse jusqu'à dire à l'oreille que le roi, en rendant la liberté aux serfs du domaine public, devait comprendre dans ce nombre les serfs du clergé, et qu'il en avait le droit, puisque les biens du clergé sont une partie du domaine public, si elles ont ajouté qu'il serait utile au peuple d'employer le bien du clergé, qui appartient évidemment à la nation, à payer les dettes de la nation, ces blasphèmes ne sortent-ils pas nécessairement de la bouche d'un philosophe? Voilà ce que j'ai entendu dire à plusieurs abbés, dans plusieurs antichambres, dans le dernier séjour que j'ai fait en France. En vérité, il faut que ceux qui s'accordent à attribuer aux philosophes de pareilles atrocités se soient formés de la philosophie une idée bien abominable. Note de bas de page. Note 1. La perte de la liberté est beaucoup pour les nègres. Il n'y a point d'homme pour qui elle ne soit un grand malheur. Sans doute, un nègre ne se tuera point, comme Caton, pour n'être pas obligé d'obéir à César, mais le nègre se tuera parce que son maître le sépare, malgré lui, de la femme qu'il aime, parce qu'il la force à se livrer à lui-même, parce qu'à l'exemple du vieux Caton, il la prostitue pour de l'argent. Plutarque dit que le vieux Caton défendait à ses esclaves mâles tout commerce avec des femmes étrangères, et qu'il leur permettait, moyennant une certaine taxe, d'avoir des tête-à-tête avec les femmes esclaves de la maison. Mais il ne dit pas expressément que le produit de cette taxe fut pour Caton, ce qui cependant est très vraisemblable, vu son excessive avarice. D'ailleurs, le sage Caton avait des mœurs trop sévères pour établir un mauvais lieu dans sa maison s'il ne lui en était revenu aucun profit. Note 2. Les Européens, propriétaires des colonies, sont à plaindre d'être conduits par une fausse conscience, et d'autant plus à plaindre qu'elle aurait dû être ébranlée par les réclamations des défenseurs de l'humanité, et que surtout ce n'est pas contre leurs intérêts, mais pour leur avantage que cette fausse conscience les fait agir. Voyez mon sermon sur la fausse conscience imprimé à Yverdon en 1773. Les préjugés sur l'esclavage des nègres sont encore si enracinés dans certaines parties de l'Europe qu'on y a vu des ministres qui se piquaient d'humanité et de vertu recevoir la dédicace d'ouvrages où l'on faisait l'apologie de cette coutume barbare. Il y a même des gens qui sont de si bonne foi sur cet article qu'un négociant s'avisa de proposer, il y a quelques années, à un ministre révéré en Europe pour ses lumières et pour ses vertus, de donner son nom à un vaisseau destiné à la traite des nègres. On sent qu'elle dut être la réponse du ministre. Lorsque j'ai écrit cette note, la mort n'avait point enlevé à la France, à l'Europe, au monde entier, le seul homme peut-être dont on ait pu dire que son existence était nécessaire à l'humanité. Il avait embrassé, dans toute son étendue, le système des sciences d'où dépend le bonheur des hommes. Il avait donné pour base à ces sciences un petit nombre de vérités simples puisées dans la nature de l'homme des choses et susceptibles de preuves rigoureuses. La décision de toutes les questions de droit public, de législation, d'administration devenait une conséquence nécessaire et jamais arbitraire de ces principes. Il n'avait rien trouvé qui ne pût, qui ne dût être réglé par les lois inflexibles de la justice, et il avait assujetti le système social à des lois générales et rigoureuses comme celles qui gouvernent le système du monde. Il ne cherchait point, comme les anciens législateurs, à dénaturer l'homme pour le rendre plus grand, mais il voulait le rendre heureux et sage en lui apprenant à écouter la raison, à connaître, à aimer la justice, à suivre la nature. Si ses idées, si ses vues périssent avec lui, le genre humain, qui n'a jamais fait de perte plus grande, n'en aura jamais fait de plus irréparable. Dans un ministère très court, on l'a vu assurer la subsistance du peuple en rendant la liberté au commerce des grains, rétablir les possesseurs de terres dans leurs droits de propriété en leur rendant celui de disposer librement des productions de leur sol, et restituer en même temps aux hommes qui vivent de leur travail la libre disposition de leurs bras, de leur industrie, espèce de propriété non moins sacrée, dont l'établissement des corps de métier et leurs règlements les avaient privés. Il a détruit la servitude des corvées, servitude qui place le peuple dans un état pire que celui des bêtes de somme, puisqu'après tout on nourrit l'animal qu'on force au travail. Toutes ces lois, qui auraient suffi pour illustrer un ministère de 20 ans, ont été l'ouvrage de 20 mois, et ce n'étaient que les premiers traits d'un plan plus vaste, le mieux combiné qu'aucun législateur n'ait jamais conçu pour le bonheur d'une grande nation. Les moyens de l'exécution auraient été simples, et cette heureuse révolution se serait exécutée en peu d'années, sans exposer la tranquillité publique, sans qu'il en coûtât rien à la justice. Tout ce que la fourberie peut inventer de petites ruses fut employé par les ennemis du bien public pour exciter contre lui des orages. Ils réussirent au-delà de leurs espérances, et ces orages ne servirent qu'à faire admirer davantage les talents, le courage et les vertus du grand homme dont il craignait les lumières et l'incorruptible équité. Il est le seul de tous les hommes d'État qui n'ait eu d'autres règles de politique que la justice, d'autre art que de présenter la vérité avec clarté et avec force, d'autre intérêt que celui de la patrie, d'autre passion que l'amour du bien public. S'il aborait cette politique infâme qui trompe une nation pour augmenter la richesse ou la puissance du prince, la politique insidieuse qui tromperait le prince pour augmenter la liberté du peuple était indigne de son caractère. Toute charlatanerie lui paraissait une fourberie, moins coupable peut-être que beaucoup d'autres, mais plus ridicule et plus honteuse. Il ne croyait pas que l'amour de la gloire mérita d'être le mobile des actions d'un homme de bien tant que les hommes ne seraient pas assez éclairés pour n'honorer de cette récompense que ce qui est vraiment utile. Jamais homme n'a reçu une âme à la fois plus calme et plus sensible, n'a réuni plus de force à plus de bonté, plus d'indulgence pour les autres à plus de sévérité pour lui-même, plus d'empire sur ses passions à plus de franchise, plus de prudence ou de réserve à une haine plus forte contre tout ce qui avait l'apparence de la fausseté et de la dissimulation. Il avait sacrifié l'espérance d'une fortune immense à son respect pour la vérité, sa santé et ses goûts au désir de servir l'humanité, enfin sa place, sa gloire même, du moins pendant sa vie, et jusqu'à l'espérance de faire le bien à la sérénité de ses principes. Juste envers ses ennemis, mais sans prétendre à être généreux, il ne se croyait point permis de faire grâce à un méchant ou de le ménager, parce qu'il avait à s'en plaindre. Toute espèce d'exagération, d'ostentation, était étrangère à son caractère. Il avait ses défauts en horreur, parce qu'il croyait y voir plus de fausseté encore que d'orgueil. Personne n'a eu de lumière plus étendue, plus variée, personne n'a eu le courage d'approfondir plus d'objets différents, n'a remonté plus loin vers les premiers principes de toutes les connaissances, n'en a suivi les conséquences avec plus de sagacité et de justesse. Il serait difficile de nommer une question importante sur laquelle il n'eût une opinion arrêtée, qu'il s'était formée d'après lui-même, ou qu'il ne pût résoudre d'après ses principes. Jamais homme n'a possédé un esprit plus étendu, plus profond, plus juste, une âme plus douce, plus pure, plus courageuse. Peut-être a-t-il existé des hommes d'un aussi grand génie, d'autres aussi vertueux, aussi grands, mais jamais, dans aucun, la nature humaine n'a plus s'approché de la perfection. Ceux qui, pendant sa vie, l'ont haï à cause du bien qu'il pouvait faire, ceux qui, dans le délire de leur orgueil, ont osé être jaloux de lui, pardonneront, à présent qu'il n'est plus à craindre, le témoignage que rend à la mémoire un étranger qu'unissait avec lui une passion commune pour le bien de l'humanité et qui, dans ses voyages en France, a joui du bonheur de l'entendre développer ses vues et montrer son âme tout entière. Note 3. J'ai rencontré quelquefois des maîtres américains, accoutumés à vivre dans les habitations, et il m'a suffi de leur avoir entendu parler une ou deux fois des nègres pour sentir combien ceux-ci doivent être malheureux. Si vous les interrogez, ils vous diront que les nègres sont une canaille abominable, qu'on les traite très bien, que toutes les atrocités qu'on impute en Europe à leurs maîtres sont autant de contes. Mais ne les interrogez pas. Gardez-vous surtout de contredire leurs principes de tyrannie. Faites-vous la violence de vous taire, de contraindre votre visage. Alors vous entendrez de la vérité. Ils vous raconteront, sans y penser, ce qu'ils n'auraient osé vous répondre. Nous rapporterons ici deux traits qui prouvent à la fois combien les Européens sont éloignés, en général, de regarder les Noirs comme leurs semblables, et que, cependant, on peut citer quelques exceptions honorables pour l'espèce humaine. En 1761, le vaisseau L'Utile échoua sur l'île de Sable. Monsieur de La Fargue, capitaine, ses officiers et l'équipage, composés de Noirs et de Blancs, employèrent 6 mois à construire une espèce de chaloupe. Elle ne pouvait contenir que les Blancs. 300 Noirs, hommes ou femmes, consentirent à leur départ et à rester sur l'île avec la promesse solennelle qu'aussitôt l'arrivée de Monsieur de La Fargue à l'île de France, les Blancs enverraient un vaisseau pour ramener leurs malheureux compagnons. La chaloupe arriva heureusement à Madagascar. On demanda un vaisseau à l'administration de l'île de France pour aller chercher les Noirs, laissés dans une île presque entièrement couverte d'eau à chaque marée, où l'on ne trouve ni arbres ni plantes, où ces 300 Noirs n'avaient pour lit qu'une terre humide et pour nourriture que des coquillages, des œufs d'oiseaux de mer, quelques tortues, le poisson et les oiseaux qu'ils pouvaient prendre à la main. Monsieur Desforges, alors gouverneur de l'île de France, refusa d'envoyer un vaisseau sous prétexte qu'il courait risque d'être pris. En 1776, après 13 ans de paix, Monsieur le chevalier de Ternay envoya Monsieur Tromelin, lieutenant de vaisseau, sur la corvette la Sylphide, chercher les restes de ses infortunés, abandonnés depuis 15 ans. Il ne paraît pas que dans l'intervalle on eût fait aucune tentative sérieuse. Monsieur Tromelin, arrivé près de l'île de Sable, détacha une chaloupe commandée par Monsieur Page. Elle aborda heureusement. On trouva encore 7 négresses et un enfant né dans l'île. Les hommes avaient tous péri, soit de misère et de désespoir, soit en voulant se sauver sur des radeaux construits avec les restes du vaisseau L'Utile. Ces négresses s'étaient fait des couvertures avec les plumes des oiseaux qu'elles avaient pu surprendre. Une de ces couvertures a été présentée à Monsieur de Sartines. En 1757, Monsieur Moreau, commandant le Favori, reconnut les îles Adus, il y envoya dans un canot Monsieur Rivière, officier de son bord, 2 blancs et 5 noirs. Les courants ayant entraîné le vaisseau hors de la route, Monsieur Moreau se crut obligé d'abandonner son canot. Les 8 hommes, laissés sur les îles Adus, prirent le parti de remplir le canot de coco et d'essayer de gagner l'Inde. On attacha au canot un radeau, chargé aussi de noix de coco, mais au bout de 3 jours, la mer étant trop forte, on fut obligé de l'abandonner. Alors, comme la provision ne pouvait pas suffire pour les 8 hommes, les Blancs proposèrent à Monsieur Rivière de jeter les Noirs à la mer. Il rejeta cette proposition avec horreur, dit que le malheur les avait rendus tous égaux, que les cocos seraient distribués également entre tous, et qu'ils périraient ou se sauveraient ensemble. Il n'y avait que pour 13 jours de vivres. La traversée fut de 28. Ils arrivèrent enfin près de Calicut, à l'embouchure d'une rivière, mourant de faim et de fatigue. Leur canot se remplit d'eau en passant la barre, mais tous furent sauvés. Monsieur Rivière reprit bientôt ses forces et sa santé, et continua de servir. Lorsque plusieurs années après, on lui faisait des questions sur cette aventure et sur le capitaine qui l'avait abandonné, « J'ai fait vœu dans mon malheur, répondait-il, de ne parler de lui ni en bien ni en mal. »